France Inter, il est 13h21, on retrouve Patrick Pénaud pour l'émission Rendez-vous avec X. Aujourd'hui, le docteur Petiot. Je suis un voyageur qui emporte ses bagages. Que voulait dire exactement Marcel Petiot, l'un des plus grands criminels français, peu avant de monter sur l'échafaud? Quels étaient ses bagages qu'il entendait emporter avec lui? Voulait-il parler de ses secrets? Les secrets d'une vie hors du commun qui s'est déroulée pour partie dans la période la plus troublée de notre histoire contemporaine, je veux dire l'occupation. Oui, les secrets de Marcel Petiot. Car si l'on sait que ce médecin diabolique a réellement été un tueur en série, aujourd'hui encore, on est incapable de dénombrer avec exactitude ses victimes. De la même façon, il est toujours impossible de déterminer avec certitude pourquoi Petiot a tué. Quels étaient ses mobiles? Était-il fou, cupide? Et comment a-t-il tué? Avec quelle arme? On l'ignore. Autre question. Était-il résistant ou collaborateur? Le mystère toujours. Un mystère que Petiot lui-même a soigneusement entretenu jusqu'au bout, jusqu'à ce petit matin de mai 1946, où, pour reprendre l'expression de Robert Badinter, la lame de la guillotine l'a coupé en deux. Mais pourquoi M. X a-t-il choisi d'exhumer ce dossier vieux d'un demi-siècle? Parce qu'il prétend savoir une partie de la vérité. Et parce que aussi, invraisemblable que cela paraisse, le docteur Petiot a fricoté avec les services secrets. Au moment de son arrestation, il était même capitaine de la DGER, c'est-à-dire la Direction Générale des Études et Recherches, l'ancêtre de notre actuelle DGSE. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je sais que vous allez tout de suite me demander, avez-vous connu le docteur Petiot? Bah, je peux me retirer si vous le désirez. Ah, alors, bon, avouez que cette question vous brûlait les lèvres. Oui, hein. Bah, admettons, alors répondez. Eh bien écoutez, au risque de vous décevoir, c'est non. Même si c'est vrai, j'aurais pu croiser en 1944 celui qui se présentait alors comme le capitaine Wetterwald alias Valéry. Enfin, n'allons pas trop vite. J'en ai l'habitude, hein. Et vous vous en accommodez. Avez-vous déjà vu une photographie de Marcel Petiot? Évidemment, oui. Alors, vous n'avez pas manqué d'être frappé par le visage de cet homme. Son regard surtout, des yeux hallucinés, très noirs, très perçants, profondément enfoncés dans leurs orbites. Un regard envoûtant auquel il était difficile d'échapper, enfin d'après tous les gens qui l'ont connu. Vous n'en rajoutez pas là? Non, Petiot n'était pas un homme ordinaire. Au reste, c'était un homme remarquablement intelligent. Un type qui possédait de nombreux dons. Oui, des dons, enfin dans celui de faire disparaître les gens. Oui, c'est certain ça. Et le médecin alors? Excellent, d'après ses patients. Le docteur Petiot était très apprécié, très dévoué. Et il lui arrivait souvent de soigner gratuitement les plus pauvres. Eh ben, au fond, le portrait d'un homme idéal, hein? Oui. Presque, oui. Si l'on accepte quelques petits défauts qui apparaissent dès son enfance. Ah bon, par exemple hein? Ce petit garçon brillant et charmeur adore torturer les animaux. C'est aussi un enfant kleptomane avéré, bien qu'il n'ait jamais été pris sur le fait. Autour de lui, les objets disparaissent mystérieusement. Ah bon, c'est plus fort que lui. Sans doute, fait une sorte de jeu, si vous voulez. D'ailleurs, lorsqu'il sera emprisonné, Petiot écrira un livre sur le jeu et le hasard. C'est une composante essentielle de sa personnalité. D'accord. Vous avez parlé d'un enfant brillant. Hein, oui, ce fils d'un obscur postier, orphelin de mère, fait une excellente scolarité. Toutefois, un an avant le bac, il est viré du lycée d'Auxerre. Ouais, pour quelle raison là? Bah, il volait la correspondance privée du proviseur et divulguait à qui il voulait les secrets intimes de ce chef d'établissement. Bravo, ouais. Enfin, ça ne l'empêche pas d'obtenir son bac qu'il a passé en candidat libre. Est-ce qu'il pense déjà à devenir médecin, hein? Certainement, mais c'est la guerre. La guerre de 14-18, hein, oui. Faut le préciser quand même. Le jeune bachelier devance l'appel et s'engage. Et il se bat avec beaucoup de courage. En 1917, je crois, il est blessé au pied et il obtient de revenir à l'arrière. Il s'y trouve si bien qu'il décide de tout faire pour y rester. Comment se débrouille-t-il alors? Il se plaint de troubles psychiatriques. Et supercherie ou pas, il est tellement convaincant qu'on le conduit dans un hôpital militaire. Et les médecins qui le soignent soupçonnent une démence précoce. Ça veut dire qu'il est très persuasif, ça. Hein? Tout à fait, mais enfin là, on touche à l'un des premiers mystères de la vie de Petiot, car il aura à nouveau affaire au psychiatre. Était-il réellement fou ou simulait-il? Votre avis, alors? Petiot n'était certes pas un homme normal. Mais qu'est-ce que la normalité, n'est-ce pas? Alors, tenons-nous-en au fait. Malgré ses déboires psychiatriques, Marcel Petiot entreprend des études de médecine et il obtient sans difficulté son diplôme à Paris. Il est donc médecin. Et il va s'installer dans sa région natale, à Villeneuve-sur-Yonne exactement, où il se constitue rapidement une importante clientèle. Il est compétent, chaleureux, disponible, ça marche. Pourtant, derrière son dos, on murmure. Ah bon, et pourquoi alors? De quoi s'agit-il? Peux-tu engager une bonne, une jeune femme qui devient rapidement sa maîtresse et avec laquelle il vit maritalement sans se soucier du candidaton? On est dans les années 20, hein, ne l'oublions pas. Mais Petiot, libre penseur et anticlérical, n'a cure de ses ragots. Toutefois, la rumeur grossit lorsque la jeune bonne, enceinte des œuvres de son patron, disparaît soudain. C'est-à-dire Petiot affirme qu'après une dispute, elle a décidé de partir. On ne la reverra jamais. Alors, il l'a tué, non? C'est vraisemblable. Ouais. Et il a ensuite enterré le corps quelque part. Il n'y a pas une enquête? Apparemment, non. C'est quand même étonnant, ça. Là, je suis d'accord avec vous. Mais encore une fois, ce sont les années 20, et en dépit de cette histoire, le docteur Petiot est un notable estimé par ses concitoyens. Il est même tellement apprécié qu'il est élu maire de la petite ville. Sous quelle étiquette? Gauche. Le médecin des pauvres est un progressiste qui professe des idées avancées, même s'il se choisit pour épouse une fille de commerçant bien dotée. Et quel genre de maire est-il là? C'est un homme énergique qui mène son monde à la baguette et règne un autocrate. Ça lui permet au passage de détourner quelques fonds municipaux. Détournements ouais. qu'il nie, bien entendu. Ouais, parce que ces détournements sont découverts. Hein, oui, ouais. Mais Petiot braille tellement qu'il réussit à se faire élire conseiller général. Toutefois, il est à nouveau montré du doigt lors d'une nouvelle affaire. Une laiterie des environs de Villeneuve est détruite par le feu. Sa propriétaire a succombé dans l'incendie. Et elle venait de toucher une importante somme d'argent. Et en quoi ça concerne Petiot, ça? Un homme l'a vu près de la laiterie. D'autre part, la victime a été préalablement frappée à coups de marteau avant de mourir brûlée. Petiot est donc forcément inquiété. Il est entendu par les gendarmes, oui. Mais le témoin qui l'a vu près de la laiterie ne pourra plus l'accuser. Souffrant, il a eu la sottise de consulter le bon docteur qui lui a fait une piqûre. 3 heures après, il était mort. Mais dites-moi, ça fait quand même beaucoup, hein? Mais Petiot s'en sort. Et finalement, il devra sa disgrâce à une malversation assez minable. Ce bricoleur assez doué alimentait gratuitement sa maison en électricité avec une dérivation directement branchée sur les fils d'un poteau électrique voisin. En effet, c'est complètement minable, hein, d'autant ouais. qu'il devait bien gagner sa vie en tant que médecin. C'est évident, oui. Alors, bon, qu'est-ce que ça signifie, ça? Il s'agit toujours de sa kleptomanie? Et aussi, je pense, de sa propension à enfreindre les règles de la société. Une sorte de jeu? Oui. Oui, Petiot était presque naturellement un tricheur. En tout cas, cette petite escroquerie lui vaut d'être exclu du Conseil Général et de mettre fin à sa carrière politique. Enfin, il est quand même étonnant de constater qu'il est déchu, hein, parce qu'il a volé l'électricité, alors que les 3 assassinats dont on aurait pu l'accuser ne lui ont valu aucune condamnation. Oui, c'est juste. Quoi qu'il en soit, Petiot fait ses bagages et part à Paris, où il reprend le cabinet d'un confrère installé rue Comartin. Ouais, près de la gare Saint-Lazare. Hein. Oui, un quartier alors très populaire, pas très loin de Pigalle et où exercent de nombreuses prostituées. Et pourquoi insistez-vous sur ce point? Parce que le docteur Petiot va compter parmi sa clientèle beaucoup de filles de joie et de droguées. Il sera d'ailleurs plusieurs fois soupçonné d'avoir rédigé des ordonnances de complaisance pour alimenter en stupéfiants ces droguées sous prétexte de les soigner, évidemment. Il est incorrigible. Oui, un tricheur, je vous l'ai dit. Pour accroître sa clientèle, il fait distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres du quartier. Il s'invente des diplômes, des postes dans les plus grands hôpitaux parisiens et prétend guérir la plupart des maladies. On pourrait penser qu'au-delà du jeu, c'est l'appât du gain qu'il guide. Mais pourquoi? Il vit modestement, on ne lui connaît aucun vice. C'est un bon mari, un père aimant. Alors que ferait-il de son argent? Je sais pas moi, avare, non? Peut-être, mais un curieux avare. Petiot peut faire des kilomètres sur ses bicyclettes pour aller soigner des miséreux qui seront incapables de le payer. Avouez quand même que c'est extraordinaire. C'est parfaitement illogique, ça. C'est encore une affaire ridicule qui va lui attirer de nouveaux ennuis. En 1936, il chippe un livre de médecine à la devanture de la librairie Gibert, boulevard Saint-Michel. Oui, bien connu. Malheureusement pour lui, un vendeur l'a vu. Petiot le malmène, on appelle la police. Et il est embarqué? Oui, il le prend de haut et exhibe de ses qualités. Médecin, métier de guerre, soigné autrefois pour des troubles mentaux, etc. Son attitude est si odieuse qu'on le conduit chez un psychiatre qui décide de l'interner. Il subit alors plusieurs expertises par des grands spécialistes qui concluent que Petiot est exempt de troubles mentaux. Ah oui, ça, alors. Certes, c'est un pervers, un être profondément amoral, mais c'est surtout un simulateur de génie. Et là, incontestablement, ses professeurs ont vu juste. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. En arrivant rue Comartin, le docteur Petiot a donc fait sa publicité, ce qui est aujourd'hui strictement interdit pour un médecin. Alors, voyons d'un peu plus près ce tract qu'il a fait distribuer et où il affirme posséder dans son cabinet le matériel le plus moderne et le plus performant. En voici un extrait où Petiot se présente à ses futurs patients. Promoteur en 1921-1923 d'une technique parvenant à la suppression de la douleur sans anesthésie et sans instrument, auteur d'ouvrages originaux sur les maladies nerveuses et sur les cures de désintoxication, directeur de deux services de clinique, aidé par des collaborateurs choisis dans les différents secteurs de Paris et de banlieue et disposant d'ambulances et d'un outillage portatif approprié, le docteur Petiot assume les fonctions de médecin-chef de l'office médical permanent. Les particuliers peuvent y avoir recours en toute liberté lors de l'absence de leur médecin habituel. Grâce à des moyens rapides de transport, le docteur répondra promptement aux appels lancés à son téléphone Pigalle 77 11. Vous, qui, par la suite de l'âge ou de fatigue nerveuse, avez perdu la force vitale de la jeunesse, vous, qui cherchez à supprimer vos soucis en absorbant des drogues et qui voulez en perdre l'habitude, vous, future maman, qui désirez vous éviter les douleurs de la parturition, vous, qui cherchez un remède introuvable, adressez-vous à un praticien qui, grâce à ses travaux et à son expérience, pourra vous venir en aide. Petiot n'est pas resté interné très longtemps. Il a repris son activité médicale, non sans continuer à être surveillé par la police. À cause de sa clientèle louche? Oui, mais pas seulement. Parfois, la fréquentation de son cabinet s'avère particulièrement inquiétante. Expliquez-moi alors. Certaines de ses patientes font des overdoses, une autre disparaît. C'est aussi le cas d'un mari venu demander des nouvelles de son épouse. Et là encore, alors, j'imagine, hein, comme à Villeneuve, Petiot n'est pas inquiété. Ses ordonnances de complaisance feront l'objet d'une enquête, mais le médecin finira par bénéficier d'un non-lieu. C'est tout de même extraordinaire, enfin, cet aveuglement de la justice. À moins que Petiot, c'est une hypothèse tout à fait personnelle, n'ait rendu à l'occasion des services. Qu'est-ce que vous voulez dire, un indicateur? Pourquoi pas? Sa clientèle très particulière de prostituées et de droguées lui permettait de glaner des renseignements intéressants pour la police. Bon, enfin, là, encore une fois, je n'ai pas de preuves. Ça expliquerait pourtant bien les choses. Mmh. Toutefois, Petiot n'avait pas donné la mesure de son talent, si je puis dire. C'est en 1941 qu'il va vraiment se lancer et devenir une sorte de spécialiste de l'escamotage humain. Oui. 1941, les Allemands occupent Paris. Hein? Oui, et cette année-là, en mai, si je me souviens bien, Petiot achète un petit hôtel particulier près de l'Étoile, rue Le Sueur exactement. C'est un bâtiment qui n'a guère été entretenu et qui avait appartenu à la célèbre actrice Cécile Sorel. Alors, dans quel but cet achat-là? Marcel Petiot prétendra plus tard qu'il voulait y installer une clinique. Et effectivement, il commande des travaux dans une partie de l'hôtel. Il fait surélever les murs de la cour intérieure, aménage un petit cabinet de consultation et une curieuse pièce triangulaire, insonorisée et aveugle, dont on parlera plus tard. Beaucoup d'ailleurs. Un détail en particulier attirera plus tard aussi l'attention des enquêteurs. Cette pièce est munie d'un petit viseur optique. Un viseur qui permet donc de voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça. Hein? En tout cas, Petiot ne donne pas suite à son idée de transformer le petit hôtel particulier en clinique. D'ailleurs, le médecin ne vient pas régulièrement rue Le Sueur. La plupart du temps, il est seul. Généralement en salopette. Salopette, un médecin. Ouais, il traîne dans la remorque de sa bicyclette tout un bric-à-brac de meubles et d'objets hétéroclites qu'il dépose là. Décidément, c'est bizarre, hein? Oui, Petiot est un chineur. Il fréquente assidûment les salles de vente et il accumule pas mal d'acquisitions inutiles au milieu desquelles il y a parfois un beau meuble. Mais, si vous voulez bien, je voudrais revenir sur un point important. Mm-hmm. La rue Le Sueur, je vous l'ai dit, se trouve près de l'Étoile. Or, c'est dans ce même quartier que sont installés les principaux bureaux allemands. Oui, dont ceux de la Gestapo, hein? Bien sûr. Mm. Les nazis, et avec eux, toute cette racaille qui va travailler pour eux, ont choisi les beaux quartiers où ils ont investi les plus belles demeures. Ouais, après avoir chassé leurs occupants, hein? Naturellement. Donc vous laissez entendre que ce n'est pas par hasard que Petiot a choisi ce quartier? Je pense. La suite va vous le prouver. Mm-hmm. Je vous ai donc dit que tout commence en 1941. Petiot a alors un voisin, un fourreur juif, un nommé Gusinov. Cet homme qui est aussi l'un de ses patients nourrit légitimement des craintes. Et il s'en ouvre au médecin. Et c'est alors que Petiot échafaude sa diabolique idée. Mais sa filière d'évasion. Enfin, sa pseudo-filière, oui. Enfin, il affirme avoir les moyens de faire passer en Argentine les Juifs qu'il souhaite. Contre rétribution, quand même. Ah, forcément. Mm. Et avant d'entreprendre leur grand voyage, il leur conseille de se munir de toutes les valeurs qu'ils possèdent, argent, bijoux, etc. Oui, c'est assez sordide. Hein, voilà, car vous le savez, le voyage se terminera vraisemblablement rue Le Sueur. Eh bien, attendez, pourquoi vous dites vraisemblablement? Alors, on sait que c'est dans cet hôtel particulier de la rue Le Sueur que Petiot se débarrassait de ses victimes. On le suppose, c'est tout. Mais en réalité, on n'en sait rien. Mais tout... Enfin, tous ces cadavres qu'on va retrouver dans la cave et le calorifère, c'est ça? Ah, ça, c'est une autre histoire. Enfin, n'allons pas trop vite. Ah, ouais. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne sait rien sur la sinistre méthode du docteur Petiot. Bon, d'accord, les malheureux juifs candidats au voyage pour l'Argentine avaient sans doute rendez-vous rue Le Sueur. Mais aucun voisin n'a jamais noté d'aller et venu suspect. Oh, mais c'était aussi un temps où il ne fallait pas se montrer trop curieux. C'est juste. Mais après la libération, les langues auraient pu se délier. Admettons pourtant que Petiot éliminait ses victimes rue Le Sueur. Et comment procédait-il? Et quelle arme utilisait-il? Mystère. Oh, attendez, on a parlé de gaz asphyxiant, non? Du gaz introduit dans la petite pièce triangulaire dont je vous ai parlé. Me foutaise. Il y avait un jour important sous la porte. On a évoqué aussi des seringues projetées à distance. Un système que Petiot, bricoleur doué, aurait mis au point. Mais là encore, ça ne me paraît pas très sérieux. D'accord, alors, selon vous, là, comment faisait-il? Je n'en sais rien. Mais Petiot était médecin. Il ne devait donc pas lui être très difficile de convaincre ces personnes aux abois d'accepter une piqûre. Ouais, un vaccin avant le voyage? Par exemple, à moins qu'il ne leur ait fait avaler une boisson empoisonnée. Oui, mais ensuite... Petiot devait se débarrasser des corps. Ouais. Alors je pense qu'il les dépeçait. Et il transportait ensuite les morceaux dans sa fameuse remorque, puis il allait les jeter au petit bonheur dans la Seine ou les en tirer dans la nature. Mais là encore, pure supposition. Oui, oui, oui, non. Il faut simplement remarquer qu'on a trouvé à l'époque de nombreux restes humains à Paris et dans la région. Des morceaux de cadavres qui avaient été dépecés par un spécialiste. Quelqu'un qui avait de solides connaissances en anatomie. Ah, comme Petiot, docteur en médecine. Ouais. Ouais. Et comment recrutait-il ces malheureux candidats au voyage? Le foreur Gushinov, c'était le hasard. Après, Petiot a mis au point toute une organisation. Prudent, il s'est servi de rabatteur. Dernier rabatteur qui recrutait à sa place? Oui, des gens qui se débrouillaient pour faire savoir à des familles juives qu'ils connaissaient une filière d'évasion. Et ça se terminait par un rendez-vous avec Petiot qui se faisait appeler Monsieur Eugène. Monsieur Eugène. Ces rabatteurs, savaient-ils quelle était la vraie destination de ces juifs? Impossible à dire. En tout cas, ces gens ne seront pas condamnés. Mais des proches, enfin des parents pouvaient nourrir des soupçons devant ces soudaines disparitions. C'est exact. Alors à plusieurs reprises, Petiot écrira de fausses lettres aux parents soupçonneux. Des lettres censées être écrites par les candidats à la fuite. Des lettres qui rassuraient ses parents et certifiaient que les fuyards étaient arrivés à bonne destination. Bien sûr, ça n'a pas empêché les soupçons car l'écriture n'était pas toujours fidèlement imitée. Mais Petiot était à peu près sûr de son coup. Il était difficile à ses parents qui vivaient eux-mêmes dans l'angoisse d'aller se plaindre à la police. Une police française qui était chargée par les nazis de traquer les juifs. Mmh. On sait combien de victimes sont à mettre au compte de Petiot? Exactement, non. On a simplement pu établir une sorte de comptabilité macabre en dénombrant les valises qu'on retrouvera plus tard chez le frère de Petiot. Une cinquantaine de valises qui étaient entreposées rue Le Sueur et qui avaient été déménagées par ce même frère. Un complice, lui aussi? Ça en a tout l'air. Alors... 50 valises, 50 victimes? Non, certains pouvaient avoir 2 valises. L'accusation a retenu plus tard une trentaine d'assassinats. Mais l'existence d'une filière d'évasion pour les juifs, même si ce n'en était pas une en réalité, devait un jour ou l'autre attirer l'attention de la police, ou la police française, ou des autorités allemandes. Bien entendu, et l'affaire est très curieuse. Le premier à avoir entendu parler de cette filière était Lafont, un gestapiste français. C'était le chef de la rue Oristan. Une sinistre officine de gangsters qui travaillait pour la Gestapo, pillait les biens juifs et luttait contre la résistance. Et Lafont va charger un de ses hommes d'enquêter. Un type particulièrement bien placé pour effectuer ce travail. Car c'était un ancien flic, un ripou, comme on dirait aujourd'hui. Ouais, c'est Bonny, c'est ça. Oui, ouais, Bonny, l'homme de l'affaire Stavinsky. Ouais. Celui qui avait été salué comme le meilleur flic de France avant d'être révoqué. Bonny qui va rapidement identifier Petiot et qui va comprendre aussitôt quel intérêt pouvait représenter ce diabolique médecin pour son organisation. France Inter, rendez-vous avec X. Revenons un instant sur l'affaire du fourreur Gushinov, le premier client au départ du docteur Petiot. En 1944, son associé Jean Guédo témoigne. Mon associé était juif polonais. Il avait peur des représailles de la Gestapo et ne se sentait pas en sécurité à Paris. Alors, il a eu l'idée, vers la fin de 1941, de partir pour l'étranger sur la proposition du docteur Petiot qui le soignait à l'époque pour une maladie des parties sexuelles. Gushinov m'a expliqué que le docteur Petiot avait une organisation qui lui changerait tous ses papiers et qui le ferait partir pour l'Amérique du Sud, moyennant 25 000 francs. Gushinov m'a dit également que le docteur Petiot lui avait recommandé que ses bijoux et son argent lui soient remis avant le départ. Le docteur se chargeait lui-même de les faire parvenir à destination. Monsieur Guédo avait trouvé le voyage un peu cher, mais il s'était bien gardé de s'en ouvrir à son ami qui payait le prix de sa vie. Il s'était plutôt réjoui de ce hasard heureux qu'il avait fait rencontrer le docteur Petiot et lui avait permis de connaître l'existence de cette organisation clandestine. Pourquoi? À l'époque, se serait-il méfié? Le docteur Petiot était très respectable, il possédait un beau cabinet, une nombreuse clientèle. Nous habitions à deux pas et pouvions le vérifier. Il était bel homme, il avait de la prestance et de plus, il semblait avoir fait beaucoup de bien à mon ami pour sa maladie. Alors, Gouchinov est parti à un rendez-vous rue de Pergolèse, pas très loin de la rue Le Sueur. Le bon docteur Petiot lui avait recommandé au préalable de découdre les initiales qui ornaient son linge. Ce témoignage a été publié par Alomé Planel, auteur d'un livre intitulé « Le docteur Satan », publié par Robert Laffont. Chez Petiot, qu'est-ce qui pouvait intéresser l'ex-policier Bonny ? Ses talents d'escamoteur. Et aussi, parlons crûment, son habileté d'équarisseur. C'est horrible. Peut-être, mais en matière d'horreur, les tortionnaires de la rue Lauriston n'avaient pas de leçons à recevoir. Ça signifie donc que le docteur Petiot va se mettre au service de Laffont et de sa bande ? Oui. Rue Lauriston, ce n'est pas ce qui manquait, les gens qu'il fallait faire disparaître au plus vite. Oui, malgré la protection de la Gestapo. Bien sûr. Ces truands pensaient d'abord à leurs intérêts. Comment voulez-vous que ces gangsters aient une quelconque pensée politique ? S'ils travaillaient avec la Gestapo, c'était pour gagner toujours plus d'argent. Mais parfois, certaines de leurs activités pouvaient froisser les Allemands ou même les contrarier. Alors, un type comme Petiot pouvait rendre bien des services. Évidemment. Mmh. Sans compter qu'une bande comme celle de la rue Lauriston devait aussi compter avec des rivaux. D'autres gangsters ? Oui. Mmh. Les hommes du milieu se disputaient les faveurs de la Gestapo. Et Laffont n'aimait pas beaucoup qu'on lui fasse de l'ombre. Comme il détestait aussi que ces hommes ne lui obéissent pas au doigt et à l'œil, c'était le patron. Et il avait en horreur les francs-tireurs. Et pour Petiot, c'était pas béni. Expliquez, là. Quelques truands au nom pittoresque, Adrien la main froide, Joe le boxeur et quelques autres, ont manqué à Laffont. Manqué, c'est-à-dire ils ont fait des affaires dans son dos. Ah ouais. Ça devient très chaud pour eux. Ils comprennent qu'ils doivent fuir au plus vite avec leur maîtresse. Ils sont habilement guidés jusqu'à Petiot qui leur propose de les faire passer par sa fameuse filière d'évasion. Et comme les autres, ils vont finir rue Le Sueur ? Oui, au passage, Petiot ramasse un joli pactole. Car non seulement il a exigé une forte somme pour le passage, mais ses voyous ne sont pas partis les mains vides. Mais le principal bénéfice de Petiot ne se trouve pas là. En débarrassant la France de quelques types qui ont été des collaborateurs notoires, et ils se décernent un brevet de résistant. Ça peut toujours servir plus tard. Parce que Petiot ne croit pas à la victoire des Allemands ? Non. On est alors en 1943 et la situation militaire du Troisième Reich ne cesse de se dégrader. Mais un autre événement va servir la légende du docteur Petiot, patriote. En mai 1943, il est arrêté par la Gestapo. Qu'est-ce qu'on va arrêter ? Alors même qu'il entretient les meilleures relations avec la rue Lauriston ? Oui, ça peut paraître étonnant, mais ça ne l'est pas tant que ça. À l'intérieur de la Gestapo, il existait aussi des rivalités. Et puis il y avait aussi les officines concurrentes qui voulaient nuire à Laffont et à sa bande. Et puis ceux qui savaient quelles étaient les véritables activités du médecin dignaient peut-être son trésor, qui devait déjà être considérable. Et en le livrant à la Gestapo, ils espéraient s'en emparer. Oui, c'est possible. En outre, il n'est pas exclu qu'à la Gestapo, certains aient vraiment cru à l'existence du réseau d'évasion de juifs mis en place par le médecin. Le réseau Flitox, comme l'appelait lui-même Petiot. Et Flitox, enfin Flytox, mais comme l'ancien insecticide du même nom, c'est ça. Oui, c'est cela. Petiot ne manquait pas d'humour. Humour macabre, quand même. Je vous l'accorde. Il est donc interné, torturé, et d'après ceux qui l'ont côtoyé en prison, il fait preuve d'un incontestable courage. Mmh. Il gagne donc un brevet de patriotisme. Oui, au début de l'année 1944, après plusieurs mois de détention, il est libéré. Sur intervention ? Laffont, qui avait une grande influence auprès des services allemands, a sans doute pesé de tout son poids. Attendez, avant d'aller plus loin... La Gestapo a-t-elle eu connaissance de l'existence de l'hôtel de la rue Le Sueur et l'a-t-elle visité ? Certainement. Alors, il y a deux hypothèses. Ou bien Laffont et ses hommes ont fait le ménage, ou bien la Gestapo a fermé les yeux. Après tout, un tueur de juifs méritait-il d'être sérieusement inquiété ? Vous voulez dire là, qu'il faisait le travail à la place des nazis ? Oui, c'était une sorte d'auxiliaire. Enfin, allons un petit peu plus vite, si vous voulez. Pour une fois. Je vous en prie. Petiot est donc libéré. Il part quelques jours se mettre au vert, puis il revient à Paris où il reprend ses activités. Naturellement, il va le soir. Et là, il fait une découverte très embarrassante. À la cave, il y a des cadavres. Des cadavres frais, si je puis m'exprimer ainsi. Des cadavres qui ne sont donc pas les siens, puisqu'il était en prison. Alors, d'où viennent-ils ces cadavres ? Il n'y a qu'une explication. Ce sont les gens de la rue Lauriston qui les ont apportés là. Et si Petiot a été libéré grâce à Laffont, c'est que ce dernier avait besoin que le médecin le débarrasse au plus vite de ses cadavres. Après tout, il sait faire, ça. Ouais, mais il y en a beaucoup. Peut-être une dizaine. Et Petiot, pour la première fois, s'affole. Il fait appel à son frère qui va lui faire livrer plusieurs centaines de kilos de chaux vives pour dissoudre les corps. Mais Petiot se rend compte que ça ne suffit pas. Alors il pense les brûler dans son calorifère. Mais c'est un travail gigantesque. La porte de la chaudière est étroite. Même un crâne n'y passe pas. Il lui faut donc dépecer les cadavres en petits morceaux. Puis l'odeur ? Et c'est l'odeur, justement, qui va trahir Petiot. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que le médecin n'a pas fait disparaître les corps de ses propres victimes par ce procédé. La suite, vous la connaissez. L'odeur est si nauséabonde que les voisins font appel à la police et aux pompiers. D'autant que la chaudière s'est emballée et qu'un feu de cheminée s'est déclaré. Et c'est là qu'on découvre le charnier. Et Petiot, arrivant sur les lieux, va faire preuve d'un culot stupéfiant. Il prend à part les deux braves gardiens de la paix qui ont fait les premières constatations. Il leur dit « Je suis un résistant. Ces cadavres sont ceux de traîtres et d'allemands que j'ai tués. » Et les policiers avalent son discours. Oui. Le vent souffle alors dans la direction de la défaite allemande et ses agents ne veulent pas prendre de risques en faisant arrêter un résistant aussi déterminé. Ça veut dire qu'il le laisse partir. Et Petiot remonte sur sa bicyclette et disparaît dans la nature et il se cache quelque temps. Il est tout de même recherché, parce bien que sûr, l'histoire des gardiens de la paix. Oui, tout à fait. L'affaire du charnier de la rue Le Sueur fait les grands titres des journaux de l'occupation. Mais Petiot est introuvable. Quand il réapparaît, il est barbu, s'engage dans les FFI et on le retrouve sous un faux nom comme capitaine dans les services secrets. Après la libération, il est chargé de traquer les collaborateurs. Et il montre dans cette action une grande pugnacité. C'est ahurissant. Oui, mais la police n'a pas renoncé à le retrouver. Fin 44, il tombe dans un piège. À l'instigation des policiers, un article est publié. Article qui le désigne comme un agent du Reich. Aussitôt, Petiot bondit. Il écrit au journal, demande un droit de réponse. Et c'est comme ça qu'on remonte jusqu'à lui et qu'on le démasque. Entre-temps, il faut bien le dire, les plaintes de familles juives se sont multipliées contre lui. J'imagine que pour sa défense, il a invoqué ses prétendus actes de résistance. Bien entendu, jusqu'au bout, il a prétendu que son réseau Flytox était un authentique mouvement de résistance. Bien informé du fait de ses activités dans les services secrets, il a même donné des noms de résistants avec lesquels il aurait travaillé. Et alors qu'on ne lui reprochait, si je puis dire, qu'une trentaine d'assassinats, dont une majorité de juifs, il a revendiqué plus de 60 exécutions d'Allemands et de collaborateurs. Ouais, mais c'était pas sérieux. Non, ça pouvait pas tenir très longtemps, étant donné les monstrueuses accusations qui pesaient contre lui. Il n'empêche qu'une partie du mystère demeure. Qu'est devenu, par exemple, le magot qu'il avait amassé? On ne l'a jamais retrouvé. Dans les valises récupérées par son frère, il n'y avait que des vêtements, mais ni or, ni bijoux. Ça n'a pas dû être perdu pour tout le monde. Hein. Oui, je le pense. Et après y avoir bien réfléchi, je suis maintenant certain que c'est pour s'emparer de son trésor qu'on l'a fait arrêter par la Gestapo. Et si Petiot a résisté si courageusement à la torture, ce n'était pas pour taire ses crimes ou l'organisation de son fameux réseau d'évasion, mais bien plutôt pour ne pas révéler où se trouvait caché son trésor. Et bien sûr, on ne sait toujours pas comment Petiot a tué ses victimes. Les techniques de la police scientifique ne permettaient pas alors les investigations très poussées. Aujourd'hui, je suis sûr qu'on aurait découvert les secrets du docteur Petiot. Il a été jugé, condamné à mort. Et guillotiné. Ouais. En 1946. Mais a-t-on vraiment essayé de comprendre? Il aurait fallu mettre en évidence les insuffisances de la justice, s'interroger sur les complicités dont il a pu bénéficier jusque dans les rangs de la police, expliquer comment il avait réussi à infiltrer nos services secrets. Ouais, tout ça est effectivement très embarrassant. Alors, au lieu de cerner la vérité, on a préféré la tenue d'un procès spectaculaire où Petiot n'a cessé d'épater la galerie par son insolence et ses réparties. Petiot qui symbolisait l'horreur de toute une époque. Petiot avec qui il fallait en finir au plus vite. Marcel Julien a consacré un livre à l'affaire Petiot aux éditions 1. J'en extrais ces lignes qui vont dans le sens de ce que vient de dire Monsieur X. Julien évoque la brillante plaidoirie de l'avocat de Petiot, Maître René Floriot. Floriot, qui, à la demande de son client, ne plaide pas l'irresponsabilité ou la démence. Mais, écrit Julien, la cause est indéfendable. Les crimes de Petiot sont réels. Parmi ceux-ci, le plus impardonnable à l'époque est sans doute d'avoir voulu faire croire que les exactions commises l'avaient été au nom de la résistance, ce qui revenait à discréditer celle-ci. L'opinion publique puissante dans les prétoires des périodes troublées réclamait la mort plus que la vérité. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission.